Je connais un pays où les prisons pleurent. Je connais un pays qu'on appelle Chili. Sur les visages des enfants lit la peur. Sur les visages des enfants plus jamais un sourire. Merci Pinochet, ils sont morts pour la révolution, merci Tété. Les guitares ne jouent plus, les doigts sont coupés. Les guitares ne jouent plus, leurs cordes sont brisées. Grâce aux États-Unis, Allende fut assassiné. Grâce aux États-Unis, la page est tournée. Nous sommes vos amis, peuple opprimé. Nous sommes vos amis, un jour ils vont payer. Tous ces fossoyeurs regretteront. Tous ces fossoyeurs s'agenouilleront. Je connais un pays où les prisons pleurent. Je connais un pays qu'on appelle Chili. Je connais un pays où les prisons pleurent. Je connais un pays qu'on appelle Chili. Je connais un pays. Thank you.